5 ans se passèrent sans qu'aucun événement marqua dans l'existence monotone d'Eugénie et de son père. Dans l'année 1827, son père, sentant le poids des infirmités, fut forcé de l'initier au secret de sa fortune territoriale et lui disait, en cas de difficulté, de s'en rapporter à Cruchot, le notaire, dont la probité lui était connue. En pensant qu'elle allait bientôt se trouver seule dans le monde, Eugénie se tint, pour ainsi dire, plus près de son père et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection. Dans sa pensée, comme dans celle de toutes les femmes aimantes, l'amour était le monde entier. Et Charles n'était pas là. Elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Aussi, la mort de cet homme ne contrasta-t-elle pas avec sa vie. Quand il pouvait ouvrir les yeux, et toute sa vie s'était réfugiée là, il est tourné aussitôt vers la porte du cabinet où gisaient ses trésors, en disant à sa fille « Ils sont-ils ? Ils sont-ils ?» d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. « Oui, mon père. Veille alors, mets de l'or devant moi. » Eugénie lui étendait des louis sur une table et il demeurait, des heures entières, les yeux attachés sur les louis.